Bonjour, ici Martin Archambault de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous écoutez le podcast Auto avec Luc Desormeaux et ses collaborateurs. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto. Nous sommes le 11 août 2015. Luc Desormeaux au micro, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, j'ai, mon Dieu, une table pleine. On est 5 alentour de cette table virtuelle. Je vais commencer par mon Dieu, Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. Il y a aussi Martin Sagala. Martin qui avait des petits problèmes de Skype pour les dernières émissions, mais qui est de retour. Skype, ça s'arrange tout seul, c'est un peu comme Wolverine. Ah, C'est ça. Ça s'est réparé tout seul. Ça se guérit par... par miracle. Salut Martin. On a ça aussi... se guérit par update. Ça se guérit par update. Ouais. On a aussi Martin Archambault qui va nous accompagner dans cette émission. Mais dans la prochaine émission, la semaine prochaine, il va avoir sa chronique sur les automobiles électriques. Salut Martin. Salut les gars, ça va bien? Très bien. Et puis, on a Benoît Campeau qui s'en vient nous parler d'assurance ce soir, qui est sa deuxième présence sur l'émission. Salut Benoît. Salut messieurs, comment ça va? Ça va très bien, toi? Merci beaucoup. Donc, c'est ça, Benoît va nous faire une petite chronique sur l'assurance automobile, puis moi, je vais vous parler de mon essai d'une voiture que j'attendais, mon Dieu, depuis 2 ans. Ça faisait 2 ans que je tétais à droite et à gauche pour avoir cette auto-là. J'ai tété Toyota pour l'avoir dans sa forme FRS, et Toyota m'aime tellement qu'ils ont juste ignoré mes demandes. Et... mon réponse la plupart de humbles mortels. Ouais. Ils m'ont répondu une fois pour me demander est-ce que tu écris vraiment pour Kijiji. Je leur ai dit oui, et ça a été la dernière communication que j'ai eue avec eux autres. Donc merci beaucoup Toyota. Mais je me suis viré vers Subaru, donc j'ai fait plusieurs essais d'eux autres. J'ai fait le Forester, j'ai fait l'Impreza, Impreza que je vais vous parler à un moment donné sur l'émission. Donc j'ai réussi à avoir la BRZ. Ça faisait quand même 2 ans que j'essayais de l'avoir parce que bon, c'est une voiture qui est quand même assez en demande, puis c'est pas tellement long. C'est une voiture d'été, hein, fait que c'est pas tellement long. Si tu manques la plage de près qui est l'été, ben t'es comme tu manques ton coup. Demander une BRZ en février, c'est pas tellement hot. Ben ça. Donc, pourrait être intéressant comme essai, par exemple. Ça en dirait long sur. Ouais. Intéressant, oui. Agréable. Pas certain. Quoique j'ai déjà conduit une Mustang en hiver, puis ça se fait très bien avec des bons pneus d'hiver. C'est ça, avec des bons pneus. C'est ça. Puis une conduite adaptée, ce que certaines personnes ont de la misère à faire. Et les personnes qui ont de la misère à conduire en plein été, donc on peut pas. C'est ça. Benoît doit être capable de nous en parler aussi, parce qu'il doit avoir pas mal de réclamations en hiver surtout, puis en été, des fois, ça va être un peu spécial. Donc, mais on va commencer par la chronique de Benoît. Donc, Benoît, je te cède l'antenne et tu peux nous parler d'assurance. Merci Luc. Écoute, ce que j'ai choisi comme sujet cette semaine, c'est la valeur à neuf versus l'assurance de remplacement. La raison pourquoi je t'en parle, c'est que justement, juste cette semaine, j'ai déjà 2 clients qui ont été confrontés à ça suite à l'achat de leur nouveau véhicule. Puis je voyais que c'est un sujet que les gens ont pas nécessairement toutes les informations ou sont des fois mal guidés malheureusement. Ouais, parce que tu te sens niaiseux de dire non des fois de la manière que puis les vendeurs sont bons pour ça. Puis normalement ça se fait quand t'es rendu au crédit. Hein, ça cette espèce de vente à semi-simili pression là. C'est que t'as parlé au vendeur, t'as dessiné que t'achetais ta merveilleuse Ferrari 458 Italia, puis là tu t'arrives au gars qui va te faire le crédit, puis il dit en passant, un contrat de service, ça te tenterait-tu? Puis une assurance de remplacement à la place d'une assurance de telle, ça te tenterait-tu? Puis là, tu te sens niaiseux de dire non, mais des fois, on est peut-être mieux de dire non. Mais tu vas élaborer là-dessus, je pense que je sais pas mal où ce que tu t'en vas, parce que j'ai connu des gens qui ont été pris là-dedans aussi. Effectivement, écoute, c'est sûr que ce soir, mon but, c'est pas de parler contre les concessionnaires ou en faveur des courtiers, c'est vraiment d'expliquer clairement la différence entre les deux. C'est bon. C'est sûr qu'il y a le produit le plus commun, celui qu'on connaît tous, c'est la valeur à neuf. Ce que tu vas voir sur un contrat d'assurance automobile qui va s'appeler l'avenant 43 A et E. Ce que ça fait, grosso modo, c'est que pendant une période donnée, ce qui est généralement offert par les assureurs actuellement 5 ans. Donc, pendant cette période-là, l'assureur s'engage à remplacer les pièces endommagées suite à un sinistre couvert par des pièces neuves. Nécessairement, il faut que la pièce ne soit pas réparable. Ça, c'est le premier point. Puis ça, c'est pendant tout le terme qui peut aller de 3, 4, 5 ans. OK. Il y a aussi la portion remplacement en cas de perte totale ou vol complet. Le même concept s'applique. L'assureur va rembourser, toujours avec l'avenant 43E, va dédommager, va indemniser le client en fonction de la valeur de remplacement du véhicule. Donc, si le véhicule aujourd'hui coûte 30 000 à remplacer, ben c'est ce que l'assureur va donner. Même si toi, tu as payé 25 000 et tu as payé 33 000 pour ton véhicule, il va payer ce que ça coûte pour le remplacer aujourd'hui. OK. L'autre chose qui existe, c'est... en fait, une chose qui est importante à mentionner sur la valeur à neuf, c'est que cette garantie-là suit toujours ton assureur. Donc, tu es assuré avec une compagnie quelconque, c'est lui qui va te fournir la valeur à neuf. Donc, si tu quittes cet assureur-là, il faut que tu t'assures de un, que tu demandes cette garantie-là au prochain assureur que tu vas solliciter. Et en même temps, ben si l'assureur que tu as actuellement décide de ne pas renouveler cette garantie de valeur à neuf-là pour des raisons, par exemple, d'annulation de prime pour d'annulation de police pour non-paiement de prime, ben tu viens de perdre cette garantie-là pour toujours. OK, tu peux pas la revoir ailleurs. Ben c'est extrêmement difficile. Okay. Okay, les assureurs sont réticents. Une fois qu'un assureur te l'a enlevé parce que tu as eu une fréquence de sinistre ou parce que l'assureur a annulé, a résilié ton contrat, ben c'est certain que les autres assureurs qui vont suivre vont beaucoup plus réticents à t'offrir cette garantie-là. Okay. Okay? L'autre option qui existe, c'est l'assurance de remplacement, connue dans le domaine sous le nom de FTQ5. FT pour Formule de police automobile du Québec, numéro 5. Cette garantie-là, elle est offerte par un assureur indépendant. Il y en a plusieurs qui offrent cette garantie-là. Puis ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle est disponible jusqu'à une durée de 7 ans. Je pense que, messieurs, vous le savez tous, aujourd'hui, un véhicule, ça peut se financer pratiquement aussi longtemps qu'une maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce n'est pas toujours une bonne chose à faire. C'est absurde. Effectivement. Ouais. Donc, ta petite voiture compacte que tu payes sur 10 ans, là, c'est comme à un moment donné, ouf, pas l'air. Ouais. Effectivement. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les assureurs qui offrent la garantie de remplacement se sont adaptés, vont aller jusqu'à 7 ans de garantie. Okay. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que la garantie suit le véhicule et non l'assureur. Donc, cette année, tu t'assures avec une compagnie. L'année d'après, tu trouves des meilleures conditions chez un autre assureur. Ben, cette garantie-là va toujours te suivre. Okay? Puis, tant aussi longtemps que tu payes la prime, la garantie va demeurer en vigueur. Okay. Contrairement à un assureur qui va t'offrir cette garantie-là directement. Elle peut être annulée. Okay. Alors qu'avec l'assurance de remplacement, tu peux avoir un accident par année à chaque année pendant 7 ans. Tant que tu payes la prime, la garantie va demeurer en vigueur. OK. Là, on n'est pas en train de vous donner un truc de scraper votre char neuf à chaque année puis d'avoir un plus neuf encore. Ne prenez pas ça dans ce sens-là. J'ai quand même connu quelqu'un qui a déjà donné là-dedans. On connaît tous des histoires d'horreur, effectivement. J'aime mieux le nouveau modèle. Oui, il ne faisait pas cette couleur-là l'année passée. Ouais. Hein? Finalement, le jaune, j'aime pas ça. Ouais, c'est ça. Je vais le prendre rouge à la place. Mm-hmm. Ouais, OK. L'autre chose qui est intéressante avec l'assurance de remplacement, c'est que, bon, la première des choses, ils vont vous rembourser une partie de votre franchise en cas de perte partielle. Ils vont rembourser jusqu'à la majorité d'entre eux, jusqu'à 250 ou 500 $ dépendant de la compagnie en cas de perte partielle. Donc, vous avez un accident responsable, la voiture est partiellement endommagée. Normalement, en cas d'accident responsable, votre franchise est applicable. La compagnie d'assurance de remplacement, la FTQ5, va vous rembourser une partie de votre franchise jusqu'à concurrence de 250 ou 500 $ dépendant de la compagnie. Okay. Puis, en cas de perte totale, donc un vol ou une collision, la compagnie d'assurance de remplacement, la FPQ5, va vous rembourser votre franchise jusqu'à conférence de 2 500 $. OK. Ce que je suggère souvent aux gens qui vont prendre cette garantie-là, c'est d'en profiter pour augmenter leur franchise de base. Parce que, comme j'en ai expliqué dans d'autres capsules que j'ai fait, plus ta franchise est élevée, plus ta prime descend. Donc, c'est une belle opportunité de prendre une franchise un peu plus élevée puis d'économiser sur la prime. Ouais, vu qu'ils te payent une partie de ta franchise, même si tu prendrais une franchise à 1000, s'ils te remboursent 350, puis d'habitude, tu prendrais une franchise à 500, ça vaut peut-être la peine. Exact. OK. Ouais. Donc, c'est ce qui va pour les franchises. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que une fois que l'assurance de remplacement a payé sa portion pour remplacer ton véhicule, tu peux remplacer par le véhicule de ton choix au concessionnaire de ton choix. OK? Puis, la raison pourquoi je prends la peine de spécifier ça, c'est que malheureusement, chez certains concessionnaires qui vont vendre cette garantie-là, vous offriront pas cette possibilité-là. Donc, ils vont dire, ben, je vais vendre la garantie de remplacement, mais tu dois remplacer et faire réparer ton véhicule chez notre concession. OK. Le client est un peu lié, tu t'achètes, disons, une Toyota, puis finalement, le véhicule t'a pas plu du tout. Au bout de 3 ans, t'es pas satisfait, puis tu décides de t'en aller chez un autre manufacturier, ben, tu peux le faire. J'allais dire quelque chose de chien. J'ai dit, tu t'es acheté une Toyota, donc tu t'es endormi au volant. Et puis, tu l'as rentré dans un poteau. Donc, c'est ça. OK. C'est beau. Elle était chienne. Non, mais les Corolla, il faut bien qu'ils meurent d'une façon ou d'une autre. Fiables comme ils sont, il faut bien les tuer pareil. C'est un fait. Pour être fiable, c'est fiable. Appelle ça un suicide un peu dans ce temps-là. C'est ça. On parle du véhicule. Oh, oui, le véhicule se suicide. C'est ça. Oui, bien, le Corolla beige... Oui, ça pourrait devenir dépressif, hein, c'est un fait. OK, on continue avant que je m'attire des problèmes. Oui, absolument. Puis, je vais pas t'en prêter déjà, c'est pas grave. Oui, c'est un fait. Ça résume un peu ce qui est la portion assurance de remplacement de véhicules neufs. Ce qui est intéressant, c'est que la même garantie existe sur les véhicules d'occasion. Puis, on pense souvent pas à l'offrir autant chez le concessionnaire que chez les assureurs. Parce qu'on se dit, ben la personne a un véhicule usagé, donc quel est l'intérêt? Ben, cette garantie-là, si le véhicule est acheté chez un concessionnaire, va non seulement couvrir la valeur que le véhicule a été payé, mais indexer sa valeur de 5 % à chaque année, tant si longtemps que le contrat demeure en vigueur jusqu'à concurrence de 7 ans. Cette protection-là, je la suggère fortement à tous ceux qui ont un prêt sur leur véhicule. Ouais. Ah, parce que c'est plate de te ramasser avec un paiement puis un deuxième char à acheter. Effectivement. Ouais. Effectivement. Puis, ce qui est bien important de mentionner, autant dans l'usager que dans le neuf, l'assurance de remplacement qui va être fournie par un courtier va te donner la possibilité, encore là, d'acheter où tu veux. Puis, le chèque, à condition que tu remplaces le véhicule, le chèque, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu décides de faire plaisir à ta femme et de refaire sa cuisine, il n'y a pas de problème tant que tu as remplacé ton véhicule. OK. Alors que chez le concessionnaire, ben le chèque, tu le prends, tu le signes, tu le donnes au concessionnaire. Ouais, puis il faut que tu achètes un autre auto avec. Puis des fois, c'est pas au prix que tu veux puis ce que tu veux exactement parce que tu es pris dans un concessionnaire, une place. Ouais. Okay. Ouais. Donc, ton pouvoir de négociation n'est pas vers jeu. Non, pas tellement, non. Ben, tu sais, écoute, justement, je parlais avec un client hier matin qui m'expliquait, puis malheureusement, il n'a pas eu la chance de penser de m'appeler. Il a pris la garantie de remplacement des véhicules usagés chez le concessionnaire en question. Le concessionnaire a 12 véhicules sur son terrain. Ton choix est limité. Et très mal. Ouais. Et, il s'est acheté une petite voiture ordinaire, puis sur les 12 véhicules que sur le terrain, il y en a 8, c'est des pick-up. Si le client n'aime pas les pick-up, il est un peu mal pris, tu comprends? Ouais, mais le concessionnaire n'a pas une obligation au moins d'y remplacer par quelque chose de similaire ou, tu sais, quand même, à un moment donné, il doit y avoir une loi qui gère un peu ça, là. Tu peux pas, je sais pas, moi, t'achètes tu vas chez Ferrari Québec, puis je sais pas moi, ils ont une Hyundai Accent usagée que quelqu'un a retourné parce qu'il a gagné le million, puis il s'est acheté une Ferrari. Aussi, c'est là que j'irai magasiner. Tu sais, comme je sais pas, tu passes en avant, puis tu dis, hey, elle est belle l'Accent parmi les Ferrari à 350 000 $ Tu sais, puis tu dis, au moins, je vais pouvoir dire que j'ai acheté quelque chose chez Ferrari Québec. Oui, puis ils vont te vendre avec dédain. C'est ça. Mais tu sais, t'achètes ça là, puis là, tu prends la garantie de remplacement, puis tout, t'arrives là, puis tout ce qu'ils peuvent t'offrir, c'est une Ferrari à 300 000. Le pouvoir d'achat est pas le même, là. J'exagère, là, mais, tu sais, mettons. Ben, tu sais, j'ose espérer que dans une situation comme celle-là, ce que le concessionnaire va faire, c'est d'aller en camp, puis essayer de trouver quelque chose de similaire. Ouais, à un moment donné. Et ça peut être ça à la limite. Ouais, OK. Où je vais en venir avec tout ça, c'est bien important que les clients comprennent, les conducteurs, les assurés, comprennent que chacun a sa profession. Moi, je suis dans l'assurance. L'assurance, je connais ça, je connais les libellés, je connais les couvertures, je connais les produits. Les gens qui vendent des véhicules, je leur remets tout le respect auquel ils ont droit. C'est une profession qui est pas facile. Mais encore là, leur profession, c'est la distribution de véhicules, la vente de véhicules, tu comprends? Mm-hmm. Ouais, ouais. C'est certain que le conseil que je donne, puis on parle même pas de compétition de prix, là, parce que à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que le même produit, ou en fait un produit supérieur que je peux offrir à un client, va être moins cher que ce que le concessionnaire va offrir. Okay? Mais malgré tout ça, chacun a sa profession, chacun a sa spécialité, puis il faut le respecter. C'est ce qui est important de comprendre tout ça. Ouais. Cette garantie-là, comme je disais, dès qu'il y a un prêt sur un véhicule, ça devrait être un incontournable. Puis, si tu es capable d'acheter un anti-rouille de 10 ans sur un véhicule que tu vas garder 5 ans, je pense qu'une protection pour le remplacement de ton véhicule en vaut nécessairement. Oui, ouais, sûrement. C'est quelque chose qu'on... Tu sais, on pense pas nécessairement à ça. Une voiture qui rouille, on le sait parce qu'on l'a vu, puis les gens ont peur de tout ça, puis que 2-3 ans après, ton char commence à rouiller, fait que là, tu sais, t'achètes un anti-rouille. Ouais, les Mazda 3 2008 avant, c'était comme, tu sais, c'était presque marqué dans la brochure, là, tu sais. Vous achetez une voiture blanche, mais d'ici 5 ans, elle sera blanche et rouillée. Oui, t'sais. C'était spectaculaire. Mais tu sais, c'est plus vrai aujourd'hui, là, mais dans le temps, c'était l'enfer. On les voit pas comme ça. Mais tu sais. Il y a pas un moment donné où t'avais l'option d'acheter l'anti-rouille ou deux quarter panels? Ça se peut. Pour remplacer ceux qui roulaient. Ouais, c'est ça. C'était un ou l'autre, là. Mais non, c'était ridicule. Mais il y a eu des rappels puis tout ça aussi là-dessus, là. Mais tu sais, la rouille, c'est quelque chose que tout le monde a déjà vu sur une auto. Un accident, tout le monde dit ah ouais, mais moi ça m'arrivera pas. T'sais, on vit dans un monde où ça arrive aux autres. Mais la journée que ça t'arrive, c'est comme c'est le fun d'avoir une couverture que t'auras pas besoin de te battre pour avoir ce que ton auto vaut. Parce que la journée que tu vas arriver puis que tu vas avoir payer un char 18 000 puis l'assurance te dit ouais, mais je te donne 10 000 pour, ben faut que tu t'achètes un autre auto puis t'as 8 000 à rembourser de tes poches. Exact. C'est l'argument numéro un que je vais donner à tous les gens qui m'appellent pour ça. C'est que je vais leur dire, dans un an, essaye de vendre ton véhicule, le prix qui te reste à payer dessus, puis malheureusement, tu vas être déçu. C'est ça. À moins que tu aies eu vraiment un bon deal sur une auto qui se vend super bien, tu sais. Mais encore. C'est rare. Ouais. Ouais. C'est un peu ça que je voulais clarifier. C'est certain que je vais toujours conseiller aux gens. Puis je dis pas aux gens de ne pas écouter ce que le concessionnaire a à dire, mais nécessairement, avant de prendre une décision, toujours contacter un spécialiste. Okay. Mettons, là, je vais m'en faire une hypothèse. Je me suis acheté une Leaf au mois d'avril, mais je m'achète une Leaf demain matin. Je l'achète usagée 2013, comme j'ai fait. Je veux avoir, comme de raison, au Québec, je suis obligé d'être assuré pour l'auto. Donc, je prends une assurance régulière. Je t'appelle, je dis ah, Benoît, je veux une assurance pour ma Leaf. Tu me fais un prix, bon, c'est beau. En plus de ça, je prends une garantie de remplacement. C'est ça que tu conseilles, oui, une assurance exactement. Plus une garantie de remplacement. Au bout de la ligne, est-ce que ça me coûte beaucoup plus? Ou vu que j'ai une garantie de remplacement, ma prime me coûte moins cher parce que j'ai une garantie de remplacement aussi? Ou ça me coûte moins cher parce que je peux me permettre de mettre ma franchise plus haute? C'est quoi la part, le fait que la journée que je rentre ma tercelle dans le derrière d'une van puis qu'elle est pliée en deux... Puis que je pleure ma vie. Tu vas avoir d'autres problèmes que ça. Mais que je pleure ma vie, tu sais. À part cette journée-là, j'ai-tu un avantage à faire ça? C'est quoi l'avantage au bout de la ligne? Est-ce que ouais, ça va-tu me coûter 200-300$ de plus par mois pour faire ce move-là, mettons? Ou c'est pas si cher que ça? Je suis content que tu me poses cette question-là parce que... Je suis content que tu es content que je te pose cette question-là. On est tous contents, si j'ai bien compris. On est tous très contents. C'est une gang d'heureux. Ouais. Écoute, sérieusement, c'est une bonne question parce que la valeur à neuf que tu vas prendre chez l'assureur, ce qu'on disait tantôt, l'avenant 43 AE, la première, deuxième année, ça coûte rien. Là. Ouais. On va parler de 50, 60, 80 $ par année, dépendant du type de véhicule, naturellement. Mm-hmm. Mais au bout de la troisième, quatrième et cinquième année, c'est le genre de couverture qui peut se chiffrer facilement dans 400, 500 $ par année, rendu à la quatrième et cinquième année. Okay. Alors que, puis en plus, ça se termine après 5 ans. Ouais. Alors que la garantie de remplacement, ce qui est intéressant, c'est que la prime, elle est établie au début du terme, puis elle changera jamais. Donc, c'est basé sur le prix payé du véhicule et non le genre de véhicule ou le conducteur ou l'âge ou le dossier des antécédents. Il n'y a rien de ça qui prend en considération. Il y a uniquement la valeur du véhicule qui prend en considération. OK. Pour vulgariser, c'est un peu quand tu vas dans un magasin grande surface qui veut te vendre une garantie prolongée pour un bidule, puis qui regarde, puis... Le bidule coûte 250$, la garantie prolongée pour 3 ans, c'est tel montant. C'est ça, that's même it. Concept. Peu importe ce que c'est. Exactement. OK, c'est bon. Puis, donc, ce montant-là ne changera jamais, même si tu gardes cette garantie-là pendant 7 ans, le prix que tu vas payer mensuellement va toujours être le même. C'est certain que les premières années, tu vas payer plus cher qu'une valeur à neuf régulière, mais encore là, tu n'as pas tous les avantages que celle-là va t'apporter. OK. Donc, c'est sûr que oui, tu peux économiser sur les franchises du fait que l'assurance de remplacement va t'en rembourser une partie. Il y a même un assureur qui est intact, qui lui, si tu installes un système de repérage, pour pas le nommer tag, vont même te rembourser 10% de ta prime d'assurance de remplacement. OK. Donc, ça peut représenter plusieurs centaines de dollars de remboursement. Avec ça. OK. Puis, autre question, en date d'aujourd'hui, c'est quoi la limite d'âge d'une voiture pour pouvoir prendre une garantie de remplacement? Est-ce qu'il y a une limite? Mettons, comme là, moi, j'ai 2013. Présentement, je te connaissais plus ou moins quand je l'ai fait assurer. Puis, bon, la prochaine fois que je t'appelle dans un an pour négocier mon assurance, je te dis, bon, Ben, je veux avoir une assurance pour mon auto, mais est-ce que je peux prendre une assurance de remplacement aussi, sachant que mon auto, c'est une 2013, ou il y a une limite en disant, bon, mais il faut que l'auto soit neuve, ou ça peut être usagé d'une couple d'années, c'est quoi la limite? Ben, le produit va varier, il est disponible peu importe l'âge du véhicule. OK. Okay. Donc, la tienne... C'est-à-dire que pour mon Rambler 66, ça marche aussi? Écoute, je serais curieux de voir la prime que je pourrais aller chercher pour ça. Non, écoute, c'est toujours dans la limite du raisonnable. Là. Non, j'avais compris. Là, c'était. J'imagine que ça n'arrivera pas. C'est un cas isolé. Écoute, ouais. Si tu y tiens, je vais faire les efforts pour t'assurer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mauvais risque, il y a juste des mauvaises primes. Ouais. Mais non, pour en revenir à ta liste, Luc, c'est une 2013. Fait que je ne pourrais pas t'offrir la garantie de remplacement de véhicule neuf. Par contre, je pourrais le faire dans la portion usagée. Okay. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on établit, puis même, on n'a pas besoin d'attendre ton renouvellement d'assurance. On pourrait faire ça demain matin. Okay. Où on établit la valeur actuelle de ton véhicule selon ses informations, comme le kilométrage, l'équipement et tout ça. Puis, à ce moment-là, l'assureur va établir un coût plancher de remplacement et indexer ce montant-là à chaque année pour la durée de la garantie que tu vas choisir, qui est de 2 à 7 ans. OK. Donc, quelqu'un qui est assuré actuellement chez n'importe quel assureur, qui voudrait avoir cette garantie-là aujourd'hui parce qu'il se rend compte que s'il arrivait quelque chose demain matin, le montant du prêt serait supérieur à la valeur du véhicule. Donc, quelqu'un qui veut se procurer cette garantie-là pourrait le faire aujourd'hui parce que, comme je te disais au début, la garantie suit le véhicule et non l'assureur. OK. Fait que ça c'est bon. Puis, question de même, est-ce qu'il se base, mettons, pour baser... sur bon, ma livre, c'est une 2013, j'ai payé 20 000$ pour. Est-ce qu'il se base sur le prix que j'ai payé pour, sur le montant qui me reste à payer dessus la journée que je fais, parce que c'est sûr, il faut que ça soit au moins équivalent pour que ça vaille la peine. Est-ce qu'il se base là-dessus ou il se base vraiment sur ce que ça vaut sur, mettons, dans le Black, Canadian Black Book ou quelque chose comme ça? On y aller avec un livre de référence comme le Black Book. Je peux comprendre que c'est celui-là, mais ça, c'est un livre de référence comme celui-là qu'ils vont utiliser. Je crois que, si je ne me trompe pas, ils utilisent encore le guide d'Hebdo, si ça existe encore. Mais ils ne se baseront pas sur le prix que tu as payé. Okay. Ça, c'est toujours, toujours le cas, parce que l'assureur ne peut pas se porter garant soit du bon prix que tu as eu ou du très mauvais prix que tu as eu pour ton véhicule. OK. Peut-être fait avoir. Ouais, c'est bon. Exactement. Non, c'est logique. C'est bon. On a vécu une vague à un moment donné, puis ça, on le voyait plus dans le temps où c'était juste la valeur à neuf, le 43 AE qui se vendait. Tu finançais une balloune sur ton prêt parce que l'autre véhicule, ben tu voulais t'en débarrasser, puis le concessionnaire te disait, ben je vais financer ta balance sur ton nouveau véhicule. Moi, te financer l'intérêt que tu payes déjà sur l'autre char, ça t'intéresse-tu? Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est certain que quand il vient le temps de remplacer le véhicule, ben c'est certain que ce que l'assureur va verser va être inférieur à ce que tu as payé. Ouais, ouais. Là, c'est impossible, c'est que tu te mets dans le trouble dans ce temps-là. Essayez de pas faire ça. Échanger une voiture qui reste encore une couple d'années à payer dessus, puis embarquer ça sur le prêt d'une autre voiture. Vous êtes jamais gagnant. Vous aimez peut-être plus la voiture que vous avez. Vous aimez ça payer, oui. Vous allez aimer encore moins les paiements que ça va vous faire. Ouais, embarquez pas là-dessus. Ce qui est dramatique, c'est que ça se fait actuellement sur des termes de 7 ou 8 ans payables aux 2 semaines. Si tu regardes combien ça te coûte mensuellement, c'est pas cher. Non, mais au bout de la ligne. Ça revient vraiment cher, puis ton char, t'arrives au bout de 6 ans, puis ton char est peut-être fini, dépendant du kilométrage que tu fais, là. Fait que t'as un char fini, puis il te reste encore 2 ans à payer pour, puis là, il va te coûter des réparations, puis toutes sortes d'affaires. Faites attention à ce que vous faites. Là. Je comprends que le monde, ça, c'est vrai dans bien des affaires, le monde se magasine pas nécessairement une voiture, il y a du monde qui se magasine un prix. Faites attention. Mm-hmm. C'est vrai dans n'importe quel domaine. Il y a du monde qui se magasine un prix pour n'importe quoi. Des fois, le prix n'est pas garant de tout. Là. C'est le fun de ne pas payer trop cher, là, mais quand oui, ça se pète en face à un moment donné, c'est pas vraiment agréable. Ben, c'est ça. C'est justement pour ça que quand je propose une garantie de remplacement, je la propose toujours au minimum du terme du prêt. Ouais. Après 6 ans, je vais te proposer une garantie de remplacement d'au minimum 6 ans parce qu'on veut pas que ça se produise. Non, c'est ça. Au moins, tu es couvert pendant le temps de que tu vas payer l'auto. Après ça, au moins, si tu gardes encore l'auto est payée, elle ne te coûte plus rien. Si tu peux pas avoir de perte vraiment. Oui, tu vas être pogné à t'acheter un autre auto et tu ne vas pas donner ton auto en échange, mais au moins, tu n'es pas pogné avec une balloune de 5 000$ ou 4 000$ à refinancer ailleurs. Là. Fait que, voilà. Avec rien. Soyez prudent. Oui, c'est ça, avec rien. Parfait. C'est bon. Merci, c'est Benoît. On a fait le tour. Ben, merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Puis, on se reparle bientôt. On appelle demain matin. Ouais, ça va peut-être pas demain matin, là, mais je vais mûrir ça. Mais tu sais que je vais t'appeler, mec, je renouvelle mes assurances, je te l'ai dit. Bon, c'est ça, qu'est-ce que tu veux. Moi, je vais y aller avec mon essai de la Subaru BRZ. Comme je disais au début, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Quand cette auto-là a été présentée en 2011, ça a été présenté à deux places, à Francfort et à Los Angeles, puis Toyota et Toyota Sion, parce qu'elle est vendue sur trois noms différents. Elle est vendue Sion FRS, Subaru BRZ au Canada et aux États-Unis. Si vous allez en Europe, c'est Subaru BRZ. Subaru, c'est BRZ partout, mais en Europe, c'est Toyota FT86. Donc, c'est un autre modèle différent. Donc, trois noms pour la même voiture. Mais c'est exactement la même mécanique. C'est exactement le même châssis. C'est vraiment la carrosserie qui change et l'équipement intérieur. Je vous dirais, la meilleure du lot, c'est, à mon avis, la Subaru. Et c'est pas parce que j'aime pas Toyota. C'est parce que la Subaru vient plus équipée. Elle coûte un peu plus cher, mais elle vient plus équipée. Le moteur est aussi un moteur Subaru que dans les autos. C'est un moteur Boxster, donc c'est ça. Depuis qu'elle a été présentée, cette auto-là, je l'avais suivie un peu. J'avais vu des photos apparaître sur certains sites internet, puis oh mon Dieu que je la trouvais donc assez jolie, cette auto-là, puis ça n'a pas changé. À mon avis, là, c'est une des plus belles voitures, petites voitures sport que vous pouvez vous acheter sur le marché aujourd'hui. C'est vraiment une voiture sexy. Le nombre de têtes que ça a fait tourner cette auto-là, puis puis le nombre de déceptions de jeunes filles qui voyaient que c'était un vieux pépère qui se promenait dans le dos était aussi assez abondante. Mais c'était drôle, juste anecdote. J'étais allé au métro faire mon épicerie un moment donné, puis je ressors, puis il y avait une des caissières du métro qui était en train de prendre son lunch, puis elle regarde, elle dit « Ah, oh, elle est vraiment belle votre auto, hein. » Puis je suis pas capable de dire juste merci, parce que c'est pas mon char. J'ai dit « Oui, mais malheureusement, elle est pas à moi, je la retourne demain. » Puis elle dit « Ah, oh, c'est vraiment dommage. » Oui, c'est vraiment dommage. C'était dimanche, puis lundi, il fallait que je la retourne. Mais c'est ça, c'est comme je vous disais, c'est à mon avis une des plus belles voitures disponibles présentement. Une des plus belles voitures abordables. C'est sûr, si on parle de Lamborghini, de Ferrari, puis ouais, ben là, là, c'est autre chose. Une autre gamme. Là. Ouais, ouais. Mais côté design, pour une petite voiture sport, là, c'est vraiment, vraiment joli. C'est assez agressif de l'avant. Bon, selon que si vous prenez la Scion ou la Subaru, sont un petit peu différentes, là, mais la ligne est sensiblement pareille. On a des phares à haute intensité, on a des phares anti-brouillard, il y a des espèces de prises d'air sur le côté. Pour la Subaru, c'est juste une prise d'air qui fait plus joli. Toyota, on était avec un logo GT86 écrit dessus. C'est un hommage à une voiture plus ancienne de Toyota qui ont mis ça dessus. Là. Mais moi, je trouve le look de la Subaru un peu plus épuré, un peu plus joli. Est équipé de jantes de 17 pouces. Il y a deux versions, là. C'est simple. Il y a la version BRZ, puis il y a la version BRZ Sportech. Donc, la BRZ, c'est la version de base. Elle est pas mal tout équipée. On parle d'échappement double, on parle de phare anti-brouillard, on parle d'à peu près tout. Il y a juste l'aileron arrière qui est pas là. Sur la BRZ normale, sur la BRZ Sportech, on a l'aileron. C'est les mêmes pneus. C'est des jantes de 17 pouces avec des pneus Primacy HP. C'est des 215-45R17. Là, fait que c'est du 17 pouces. En arrière, on a des feux à DEL, puis un échappement double. C'est, comme je disais, l'aileron est juste sur la Sportech. La version de base n'a pas d'aileron. Fait que vous pouvez faire votre frais. Si vous voyez une BRZ pas d'aileron, vous dites « Ah ouais, t'aurais pu payer un petit peu plus cher pour aller chercher la Sportech. » Mais elle est vraiment plus belle. Ça donne un look un petit peu plus sport encore, l'aileron. Moi, avoir à aller m'en chercher une, j'irai me chercher la Sportech. Le volume du coffre est correct. Là, c'est pas une familiale. Mais c'est quand même assez grand pour mettre, c'est quand même pas mal de stock que je m'en ai servi pour aller au Mont-Saint-Sauveur, aller au glissade d'eau au Mont-Saint-Sauveur une fin de semaine, ben la fin de semaine que je l'ai eue. Puis on a réussi à mettre du stock dans la valise, c'était assez pour aller là-bas, là. Mais on n'avait pas des millions de choses, mais tu sais, ce que tu as de besoin pour aller à la plage, mettons, là, puis ça rentrait très bien là-dedans. L'intérieur, c'est minimaliste. C'est pas très gros d'avance. Non, c'est ça. C'est pas une voiture de luxe, donc on n'a pas tout plein de gadgets à l'infini, mais on a juste ce qu'on a de besoin pour la vocation de cette auto-là. C'est un autosport, c'est pas une auto qu'on va vouloir avoir des sièges ventilés puis toute la patente là, de volant chauffant. Le volant est un des plus simples que j'ai vu depuis un vrai bon bout de temps. Il y a rien dessus. Le dernier volant que j'ai vu avec rien dessus, c'était le volant, puis Martin, tu l'as eu, c'était la Volkswagen Beetle, où ce que le volant est dépourvu de tout bouton. La seule affaire que tu as sur le volant, c'est les clignotants, les phares et le cruise control, le régulateur de vitesse à part de ça. Comme ça devrait se passer. Oui, trop de boutons à un moment donné sur le volant, c'est que tu accroches, puis c'est quoi, à un moment donné, je conduisais justement ma Leaf, j'avais main sur le volant, à un moment donné, moment d'inattention, puis je pèse sur le piton de téléphone, là, la madame commence à me parler. Non, je veux pas te parler, là, t'sais, fait que c'est ça. Le volant de la BRZ, c'est correct, c'est dénudé de tous ces boutons-là, puis c'est pas un problème, c'est bien correct. À part de ça, bon, les cadrans sont simples aussi. On a des cadrans analogiques, là. On a un petit cadran numérique au milieu qui va nous donner l'information qu'on veut avoir, comme on peut avoir la vitesse écrite en kilomètres heure. Le cadran central, c'est le rotation moteur, parce que, bon, manuel, tu veux pouvoir voir ta rotation moteur pour changer de vitesse. Manuel, ce qui est rare en soi. Oui, une vraie manuelle. Puis on a le cadran de vitesse qui est complètement à gauche, mais on a notre vitesse en numérique à l'intérieur du cadran de rotation de moteur, puis en bas, ben, on peut avoir un autonomètre de voyage, puis on peut avoir la consommation d'essence et tout ça. Fait que c'est juste assez. c'est pas trop, c'est juste ce qu'on a de besoin. On n'est pas allé dans des millions d'affaires inutiles pour l'auto. L'intérieur, les sièges sont hyper confortables, c'est des sièges sport, donc c'est des sièges assez serrés, là. Si vous êtes vraiment un petit peu trop rembourré, mettons, vous allez peut-être trouver les sièges un peu serrés. Comme dans mon cas, quand j'avais essayé la Mustang, une couple d'années avec des sièges Recaro, puis j'avais un petit peu trop de surpoids, j'ai trouvé un petit peu tête. Là, ouais, mais tu l'aurais trouvé moins confortable il y a quelque temps. C'est ça, mais les sièges sont très confortables, ajustables, bon, on peut l'avancer, c'est tout manuel, il n'y a pas de commande électrique, mais il y a les sièges chauffants. Ils ne sont pas ventilés, mais ils sont chauffants, donc il y a au moins ça de bien. Là. C'est juste ce qu'on a de besoin, vraiment, un siège chauffant. Avoir un volant chauffant, ça ne serait pas nécessairement mauvais aussi, parce que tu as un volant chauffant, tu as les sièges chauffants, t'es confortable, mais bon. C'est un gadget qu'on tombe tout en amour avec. C'est ça. Mais tu sais, tu peux te mettre une petite paire de gants, puis ça fait le travail pareil. Donc, c'est ça. Il y a les sièges sont beaux aussi. Il y avait juste une petite insertion de rouge un peu partout dans l'auto. Fait que ça donne un petit. Ça casse le look noir-gris. Fait que c'est juste assez des coutures sur le volant, des coutures sur les sièges, des petites insertions comme ça. C'est vraiment un intérieur qui est joli. J'ai resté surpris comment ils ont mis du détail dans l'intérieur, juste pour te donner un petit look sportif. Les sièges sont confortables aussi. Volant ajustable, hauteur télescopique. Donc ça, c'est bien aussi. Système de divertissement. C'est probablement le point faible de l'auto. C'est la plupart des autos, tu vois que l'habitacle est normalement maintenant construit alentour du système de divertissement. Dans la BRZ, on dirait plus qu'ils ont acheté un système que tu pourrais trouver chez Best Buy. Que le garoché là. Ben, c'est pas garoché, ça va bien dans l'habitacle, mais tu sais, ça a pas l'air construit alentour. Ça a plus l'air comme rajouté. L'intégration est ordinaire. Non, ben, comme je te dis, il a pas l'air à sa place, mais c'est pas un système évolué. Là. Ça n'a pas l'air d'un système comme qui a été vraiment travaillé longtemps, comme peut-être un Sync ou un MyFocus. Donc l'effort va être mis ailleurs. Ben, c'est ça, mais c'était pas la priorité non plus. C'est pas la vocation première de cette auto-là non plus. Là. De toute façon. C'est ça. Mais bon, ça fonctionne bien. Ce que j'ai eu à faire avec, ça a bien été. Connecter mon téléphone, ça a pris 2 minutes. Ça fonctionnait. Même, ça a été presque plus rapide que sur des systèmes plus évolués, mettons. Connecter mon iPad pour écouter des podcasts, des choses comme ça, ça s'est bien fait aussi. Chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que tu as un bouton pour contrôler le volume, mais tu n'as pas de bouton pour... Tu sais, tu veux changer de poste rapidement, mettons, là. Je sais pas, t'es assez quoi. Puis normalement, t'as une petite roulette pour te rendre à Chaume ou à 98.5. Puis tu tournes la roulette. T'as pas ça là-dessus. Si tu veux changer de poste, il faut vraiment que tu scannes toutes les postes jusqu'à temps que tu arrives au poste que tu veux aller. Fait que c'est plus ou moins. Puis l'interface est ordinaire. Là. C'est pas super haute définition. C'est pas vraiment beau. C'est pas vraiment facile à naviguer. Mais bon, tu sais, un coup, tu comprends que t'as besoin de 3-4 affaires pour de vrai en vie, là, t'sais. Fait que, un coup que t'as trouvé les 3-4 affaires que tu veux faire, ça marche bien. C'est un minimaliste d'un peu partout. Là. Ouais, c'est ça. Oh. Mais, tu sais, cette auto-là, l'expérience, c'est la conduite, puis c'est plus la précision de la conduite. C'est un peu comme je la compare un peu à une Miata. Tu sais, dans les Miata de, bon, génération précédente, mettons, parce que la nouvelle est sortie, t'avais pas de GPS, t'avais pas de radio satellite, t'avais pas de Bluetooth, t'avais juste... C'est bien correct de même. Mais c'est ça, c'est une voiture qui est faite pour ça. C'est une voiture qui est pas faite pour, tu sais, partir en voyage avec plein de monde, puis écouter de la musique en allant, puis t'as pas tant, c'est une auto qui est faite pour avoir du plaisir de conduire, peut-être l'amener sur une piste de temps en temps la fin de semaine, puis, tu sais, c'est vraiment ça, là. C'est une voiture sport, pure voiture sport. Bon, il y a des sièges arrière. C'est à peu près ça. Non, il y a deux sièges arrière, donc c'est un 2 plus 2. Nous autres, comme j'ai dit, on est allé à Saint-Sauveur avec, donc moi, ma femme et mon fils. Mon fils est assis en arrière de ma femme. Ma femme est pas... T'as-tu renié? Non, c'est quand même pas pire. Il me parle encore. Mais ma femme n'est pas tellement grande, donc elle a pu avancer le siège assez pour que mon fils soit confortable. Puis j'en parlais justement avec Marc Bouchard. Il dit, t'embarqueras jamais ton fils en arrière. Là. Jamais il va vouloir aller là. Puis j'ai réussi, mais j'avais promis une photo à Marc. Puis malheureusement, j'ai pas eu le temps de prendre de photos. Mais il s'est assis en arrière. On a monté jusqu'à Saint-Sauveur. On est revenu. Puis il a été confortable tout le long à cause que passager avant n'est pas très grand, n'était pas très grande, et passager arrière n'est pas très grand non plus, donc on a trouvé le confort. Mais Marc me faisait remarquer que quand la voiture était créée au Japon, ça aurait été vraiment un deux places, mais au Japon, les deux places sont surtaxées. Donc, aussitôt que tu mets deux sièges arrière, même s'ils ne sont pas utilisables, t'es moins taxé sur la voiture que tu produis. Donc, ils ont mis des sièges arrière en pensant plus ou moins qu'il aurait pu être utilisable. À la façon d'une Porsche 911. Ouais, à la façon d'une Porsche 911, ouais. Mais finalement, elles sont utilisables quand même. Mais, tu sais, je sais pas, on est quatre adultes, puis on veut aller souper au restaurant. Ben, tu sais, on va partir à deux dans BRZ, vous allez partir à deux dans une auto, parce que à moins que ça soit au coin de la rue, ça va être des amis très très proches. Ouais, c'est ça. Ça vous tentera pas d'être assis en arrière. Mais c'est quand même une voiture qui est utilisable. C'est pas une voiture qui est pas utilisable, là, même si vous avez des enfants, c'est quand même pas pire. Quand ils vont devenir ados, on en reparlera. Mais souvent les ados, ça ne suit plus, fait que c'est pas un problème. Côté moteur, il y a juste un moteur. C'est un 4 cylindres boxer de 2 litres qui produit 200 chevaux, puis 151 livres-pieds de couple. Puis c'est la seule voiture de Subaru qui n'est pas 4 roues motrices, c'est une propulsion. Donc la puissance est envoyée aux roues arrière, soit par une transmission manuelle que j'avais dans l'auto et que j'étais content d'avoir, ou on peut avoir une transmission automatique à 6 rapports aussi si on veut en option. J'entends plein de monde qui disent ouais, la BRZ a pas assez de puissance, 200 chevaux c'est pas assez. 200 chevaux c'est amplement. J'aimerais peut-être juste un petit peu plus de couple. T'sais, à 200 on parlerait, à 200-151 c'est quand même bien, mais les accélérations sont pas grisantes, sont correctes, sont agréables, mais sont pas grisantes comme ça peut être dans certaines autres voitures qui ont un petit peu plus de punch au départ, là, mais un coup. Parce que les voitures de nos jours, tu sais, je me rappelle, il y a juste quelques années, c'est parce que les puissances des véhicules ont monté vite. Mais oh, oui. C'est parce que de nos jours, une Ford Focus ST, c'est déjà beaucoup plus puissant. Oui, c'est ça. Une Golf GTI, t'as plus. C'est la plupart des petits véhicules, des hot hatch, si on veut, sont déjà plus puissants que ça. Oui, mais... un peu... Ouais, vas-y. Je comprends que c'est un tout petit véhicule, un peu comme une Miata, là, mais reste que c'est beau, un véhicule bien balancé, qui va bien, là, mais il y a moyen, souvent, d'aller chercher pour pas bien cher quelque chose de plus... qui fouette un peu plus, mettons, en plus d'être plus pratique. Oui, mais tu trouveras pas nécessairement quelque chose dans ces prix-là qui va être aussi maniable que ça, par exemple. Non, ça doit couper le chemin comme un couteau. Oui, ouais, c'est ça. C'est pas... Mais j'ai l'impression qu'un jour, pas si lointain, on va voir une version plus puissante de la BRZ. Mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est dans les plans, mais le monde le demande. Le problème, c'est que la BRZ, c'est une auto que tout le monde voulait, que tout le monde disait « oui, ça faut la faire, ça la prend, c'est quelque chose qu'il n'y a pas sur le marché, à ce prix-là, puis ta, ta, ta, ta, ta, ta. » Puis c'est une voiture qu'un coup que ça sort, ben, le monde se dit « ouais, mais je vais acheter d'autres choses. Ouais, » Ça, c'est la façon de Chevrolet, ça sert. Ben, ouais, peut-être un peu. Mais bon. Oh, on en veut un. Oh, ben, on va les faire. Oh, finalement. Finalement, c'est ça. Mais, je veux dire, tu sais, j'entends beaucoup ça sur des podcasts américains. Ouais, la BRZ, puis ça se vend pas, puis tout ça. Pourtant, j'en croise pas mal sur la route. J'ai dû en croiser 4-5 quand j'étais au volant de celle-là, une blanche. Je n'ai croisé une noire, je n'ai croisé une bleue. Tu sais, j'en croise de tous les jours. Fait qu'ils en vendent quand même, peut-être plus au Québec qu'ailleurs. parce qu'on est amant de petites voitures, puis tu sais, voiture sport, on n'aille pas ça aussi. Fait que, tu sais, peut-être qu'aux États-Unis, un Américain un peu plus enrobé, qui, tu sais, veut une voiture plus spacieuse, puis tout ça, va probablement pas aller chercher ça. Tandis que nous autres, on est amant de petites voitures. Puis quand t'as une petite voiture, sport avec de la gueule comme ça, ben, tu sais, on est peut-être plus tenté que d'autres marchés. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé que c'était... Ça manquait tant de puissance que ça. Je l'ai trouvé amplement puissante pour mes besoins. Puis j'aurais pu facilement perdre mon permis une ou deux fois si j'aurais voulu. C'est assez puissant pour dépasser la limite de vitesse puis perdre ton permis si tu veux. Fait que ça sert quoi d'avoir 450 chevaux? N'importe quoi avec les limites de vitesse qu'on a, c'est la qualité des routes qu'on a qui nous ralentit plus que d'autres choses. Ouais, ça aussi puis la police. Mais bon, faut quand même, tu sais, si tu mets conduite à vitesse excessive plus personnes qui ont de la misère à contrôler leurs autos égale beaucoup de réclamations pour Benoît. Donc il y a ça. Ouais, côté plus de réclamations, plus de primes, mais moi je m'en plains pas. Hein. Ouais, c'est un fait. OK, c'est correct. Donc c'est ça, côté comportement routier, ben c'est une voiture sport, donc la suspension est sèche, la voiture est ultra précise. Si vous cherchez un habitacle qui est totalement dépourvu de bruit comme dans une grande berline, ben c'est pas nécessairement la voiture pour vous. On entend très bien les bruits de roulement, on entend très bien pas trop, mais quand même assez bien les bruits de l'extérieur. Ça aurait été difficile de justifier 300 kilos de plus pour mettre de l'insonorisation. Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est une voiture que tu veux ressentir la route. Tu sais, si tu vas aller faire de la piste avec une auto, c'est bon de savoir. Oui, mettons, si pas une conduite aseptisée de Lexus, là, l'idée. Là. C'est ça. Faut que tu saches qu'est-ce que ta voiture fait. Donc, ça prend une suspension sèche, ça prend une suspension réactive, puis il faut sentir la voiture. Donc, oui. La suspension est sèche, oui, on entend les bruits extérieurs et tout ça, c'est-tu un problème? Pas du tout. Fait que, c'est une voiture qui est juste le fun à conduire, là. C'est juste vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Malgré les petits, minimes défauts qu'on pourrait trouver, l'espace est probablement le plus grand, là. Siège arrière, mais pour le reste, c'est juste ultra amusant à conduire. Donc pour consommation d'essence, parce que quand même Subaru donne une consommation de 9.6 litres au 100 km en ville, 7 litres au 100 km sur route pour celle avec la transmission automatique. Pour celle de la transmission manuelle, on parle de 10 litres au 100 km en ville, 7.9 litres au 100 km sur route. C'est là que c'est drôle de voir que les transmissions automatiques sont rendues tellement bonnes. Que, tu sais, dans notre temps, t'achetais une auto, puis ils disaient, si tu veux consommer moins, achète-toi une transmission manuelle parce que tu vas consommer moins. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les transmissions automatiques sont rendues tellement bonnes qu'ils vont consommer moins. Ben, c'est le cas dans la plupart des voitures. Une GM à trois vitesses aussi. Ouais, c'est peut-être, là. Ouais. C'est ça. Dans mon cas à moi, j'ai eu une moyenne de 7 litres au 100 km avec la BRZ à transmission manuelle. Puis, faut que je souhaite entièrement franc avec vous autres. Normalement, j'essaie de voir comment bon une voiture peut être côté consommation d'essence. Fait que oui, je vais l'essayer au début de la semaine. Je vais voir un peu ce qu'elle a dans le ventre sans dépasser les limites de vitesse de façon excessive. Mais tu sais, voir qu'est-ce que la voiture a, les accélérations et tout ça. Puis après ça, je me mets en mode comment je peux conduire pour pas trop dépenser d'essence. Puis avec la BRZ, j'ai pas fait attention. Fait que le 7, j'ai entendu du monde qui disait « Ah ouais, elle consomme trop. » Ben moi, à 7 litres au 100 km, désolé, là, mais pour le fun que j'ai eu avec cette auto-là, à 7 litres au 100, moi, je me plains pas. Là. Je me plains pas du tout. Le m'avait coûté presque plus cher que ça. Là. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que non, je me plains pas du tout. 7 litres, c'est très, très acceptable. Donc, c'est ça, la BRZ... si vous êtes sur le marché pour une voiture comme ça, allez l'essayer. Là. C'est le type de voiture que les amateurs de voitures, les fans de voitures sport demandent depuis longtemps. Subaru nous l'offre dans la BRZ, puis je vous dirais, ça vaut amplement la peine. Si vous pouvez vous permettre une voiture comme ça, donc si vous n'avez pas des ados, puis vous n'avez pas besoin d'une grande caravane, c'est ça, faut vivre avec. Mais c'est une voiture qui, tu sais, la plupart du monde peuvent avoir une voiture qui est plus petite, puis avoir une voiture plus grande pour sortir avec la famille dans la semaine. Parce que c'est rare, tu pars à tous les jours avec tout le monde dans l'auto. Souvent, il y a une personne qui part tout seul pour aller travailler, puis il y a une personne qui va porter les enfants à la garderie ou à l'école ou à la fin de même, puis là, ça te prend une voiture plus grosse. mais vous êtes normalement capable d'avoir une voiture le fun, puis d'avoir une voiture pratique. Ça, ça serait la voiture le fun. T'sais? Puis, je sais, ça fait, c'est la voiture sport que ma femme capote dessus. Puis, si on pouvait se le permettre, ça serait la voiture probablement qui viendrait orner mon entrée. Mais j'ai une Leaf, puis elle me coûte pas d'essence. Puis, j'ai un Ford Escape. Je pense pas que je vais retirer la même chose d'un Escape avec une BRZ. Fait que pour l'instant, c'est non. Mais dans un futur, peut-être pas si lointain, ça veut pas dire que ça sera pas quelque chose qui pourrait venir faire un tour dans mon entrée. Parce que vraiment, elle est vraiment belle, elle est vraiment le fun à conduire. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. La seule chose que j'aurais aimé faire, c'est j'aurais aimé pouvoir l'amener sur une piste. J'aurais aimé ça voir ce qu'elle est capable de donner sur un circuit fermé, dans des conditions contrôlées, les accélérations, les courbes, puis des choses comme ça, là, sans la pousser comme un fou. Je suis pas Carl Nadeau, là. Je peux pas dire que je contrôlerais une voiture aussi bien qu'un pilote, mais au moins, tu sais, la pousser un peu puis voir ce qu'elle est capable de donner comme plaisir. Je suis sûr que j'aurais eu bien, bien du fun avec ça sur une piste. Genre à Icar ou à Mont-Tremblant, là. Ça pourrait être bien, bien, bien le fun. Fait que, c'est ça. Allez faire un tour, si ça vous tente, puis c'est ça. La mienne était rouge. Elle était quand même assez pétante. Ça aurait été bien. Mais personnellement, blanche, vite teintée noire avec des jantes noires, là, si quelqu'un veut me faire un cadeau, ça serait ça. OK, assez le têtage. Donc, on va terminer l'émission là-dessus. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Messieurs, si les gens veulent vous rejoindre, comment fait-on cela, Jean-François? Sur Twitter, à JFLIEU. Martin? Sagala. Oui, OK. Faut que je mentionne. Finalement, j'avais. C'est sur la plupart des réseaux sociaux par mon nom, Martin Sagala. Parfait. Toi, Martin Archambault? Martin avec AVEQ.ca. Puis Martin, vous allez l'entendre sur la prochaine émission. Il va venir nous parler de voitures électriques. Et puis toi, Benoît, si les gens veulent se magasiner une assurance ou te jaser parce qu'ils trouvent bien sympathique, qu'est-ce qu'ils font? De manière très simple, sur Twitter à AssureBen, puis sur ma page Facebook à AssureExpert Campo. Mes coordonnées se retrouvent au complet là-dessus. Parfait. Moi, si vous voulez me rejoindre, ben, sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a le compte du podcast Auto qui est à Podcast Auto. On a une adresse courriel qui ramasse, tu sais, dans les films western, là, quand il y avait des boules de foin qui roulent, là, c'est à peu près ça. Mais si vous voulez nous écrire questions, commentaires et tout ça, c'est lepodcastauto@gmail.com. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter, soit à moi, soit au compte. On va se faire un plaisir de vous répondre. Et aussi, on a aussi une page Facebook qui est Podcast Auto. Et puis, vous pouvez me lire à chaque deux semaines sur le blog de Kijiji à frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. Je vous dis merci d'avoir écouté cette autre émission. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.